Avec un air innocent, tu me dis ça. Ah c'est comme ça, je vais pas te forcer. Pour toi j'ai quitté mon passé. Mais non ça, et tu le sais. Thought you love me crazy. Thought you love me crazy. Put him dans le champagne. Baby, pourquoi c'est jamais assez? Que tes forces ont des faits, mais j'en ferai pas happy. À tout en fait, baisse-la, baisse-la. On baisse dans ma tête, baisse-la, baisse-la. Tu te baisses aussi. Ouais, c'est que des mots, mais c'est véridique, je te parle. Et le cœur ne sait pas mentir. Si je m'en vais, t'auras plus de prise de tête. Mais peut-être qu'on se reverra là-bas, là-bas. Tu me diras que personne n'est parfait. On s'est juste loupé. Yo yo yo. Il est pas seul, je te garde ma tête. Garde ma tête. Garde ma tête. Tu n'y crois pas, mais je sais que t'es ma future. Ouais, t'es ma future. Je sais que t'es ma future. Chaque image comme c'est on, qui m'univers.